votre porte, mes amis, allumons un bon feu. C'est l'hiver que les diables emportent, mes amis, ce soir oublions-le. C'est l'hiver que les diables emportent, mes amis, ce soir oublions-le. Ta bouche pas, apporte le pain d'ange, ce qu'il y a. Dansons comme le feu.